synthé de Wally Badarou en 1979. M, pop music et son maxi 45 tours vinyle à double sillon. C'est un truc incroyable avec la possibilité d'écouter deux titres différents sur une même face. Bienvenue dans la nuit des temps. James Samuel, Jimmy Jam, Harris III et Terry Steven Lewis sont des producteurs de Minneapolis. Ils ont bossé avec Prince avant de se faire lourder car arrivés avec 5 minutes de retard sur une tournée. Ils produisent ici Cherelle et nous sommes en 1984. Jam, Harris III et Terry Steven Lewis ont produit une pelletée de hits pour d'autres zozos comme Janet Jackson. Ils étaient parmi les premiers à utiliser la boîte à rythme TR-808 de Roland qui fabriquait ce son absolument insensé. I Didn't Mean Turn You On est aujourd'hui connu pour sa reprise par Robert Palmer, mais on aime bien cette version originale qui sonne comme un merveilleux pompage de Prince. I didn't mean to. This is WROK, W Rock. Got this new one from the brother Bombay. Right, check right, it out. Check it out. Check it out. Check right, right. Feel me on this one right here. Check it. Yeah, we got this game on lock. G's up, hold down, hustlers, grab your knots. Killing punks, we stay on top. Stay with the R-U-N while I pop, bubbling. Plus we be ready to pop, lick a shot. And I stay on swole, cause the beats and rhymes stay cut up. Don't like holding weight, or like you're holding a mag. You ain't styling, nigga, you ain't rolling the Jags. Check it. Talk about Bombay, don't stop, cause I'm so cold. We gon' take it to the top, nigga. Nigga, I got this game on lock. Word up. Un hommage au révolutionnaire jazzman John Coltrane. Black Spirit, c'est le groove de Barney McCall, Gary Barthes et Sampology. Et nous sommes en 2022. Ray Draper, Two Sons, et nous sommes en 1957. Pourquoi maintenant tu veux danser pour moi ta danse? Et pour moi toute la nuit j'ai ta tente. Mes démons en vrai j'ai contemplé mais j'ai pas flanché. Devant toi t'es penché, devant moi comme jamais jamais danse. C'est pour moi ta danse, c'est pour moi j'suis dehors en givant. J'suis jamais en danger, ça peut t'enclencher. Pour pas cher ça vend les âges et le filtre étanche. Et puis là toi tu crois j'vais flancher devant son déhanché. Un à qui sont tombés pour un tombé pour moi. Tomber pour moins de danger. Tomber pour pas grand chose, les faire annoncer. La vie c'est dur, on veut se débrancher. J'étais au fond, t'étais pas là, là, là, là, là. Quoi maintenant tu veux danser pour moi ta danse? Et pour moi toute la nuit j'ai ta tente. Mes démons en vrai j'ai contemplé mais j'ai pas flanché. Devant toi t'es penché, devant moi comme jamais jamais danser. Pour moi ta danse, pour moi no love pour une tasse. Peu même avec ta peu gros comme la quichta qu'on a lâché. Dans le vip j'les gâche et puis j'ai fait le tour de la ville en classe. Et 63 fâchés mais crois pas qu'une seconde j'ai pensé à toi. No love pour une. La nuit des temps, l'international de la danse. In the ground we bury the seeds of a pantry. All the things we carry. Now we're down to our bare feet. May I have this dance? Looking for something concrete. You must have been born with two right feet. Said 1, 2, 1, 2, always on beat. I know you've been looking for something concrete. You must have been born with two right feet. You must have been born with two right feet. Said I love you more than your mother. More than you love yourself. May I have this dance? Un titre composé par Bill Withers, Use Me. Grace Jones est ici produite par Chris Blackwell de chez Island Records. Et nous sommes en 1981. Chris Blackwell, mais c'est aussi le son de Wally Badarou. Et Wally Badarou, c'est notre powerplay cette semaine comme producteur. La nuit des temps, Radio Dieu. Alert the troops! They're protecting Toothopolis with some new... I don't intend to grow old gracefully. I intend to fight it every step of the way. 1987 Motor Trend Car of the Year. The world's best-selling car. America's... McDonald's Egg McMuffin. Sausage Biscuit. Jewelry to everyone else, but it turns into playthings when you're by yourself. It's no wonder things are running amok around here. I think they should just cut their losses and start from scratch. It's a tricky situation. Soul. I chase left shadow till the rivers run cold. And hey, baby, get it up, love. Oh, hey, baby, get it up, love. Tata Vega. Tata Vega est née en Jamaïque, mais elle a vécu à New York, à Chicago, au Texas, dans le Colorado, à Panama et même à Porto Rico. Elle a commencé avec la comédie musicale Air en 1970 et elle a eu sa période de gloire en 1979 avec ce magnifique Get It Up For Love. Un hit disco étrangement produit par un zozo qui aura plutôt fait carrière dans le folk, Ned Doheny. Oui Tata Vega, on t'aime avec toutes ces petites percussions. Alors lui c'est bien notre pote, c'est Benny Sings, ou l'un des meilleurs songwriters de la planète. Young Hearts. Nous sommes en 2023 et c'est bon comme un sorbet au chocolat. Get real, bring it over. des temps ce soir, trois petits bonus pour clore cette émission. Mais avant, on a écouté M pour sa pop musique. Mais musique, M-U-Z-I-K, prononcé à l'allemande, est produit par Wally Badarou. On a également écouté la princière Cherelle depuis Minneapolis. Il y a également Barney McCall, Gary Bartz et Sampology avec leur hommage à John Coltrane. John Coltrane qu'on s'est fait un plaisir d'écouter, il était avec accompagné de Ray Draper. Ce soir dans la nuit des temps, il y avait également Francis and the Light avec Chance the Rapper qui espère toujours une danse. L'inoxydable Chris Jones. Tata Vega et son magnifique Get It Up for Love. Notre chouchou Benny Sings est là pour se dire au revoir avant notre petit tunnel du bonheur, Beyoncé. Trois titres pour se quitter ce soir, il y aura Gary's Gang, Alado Negro et les Night People pour arriver tranquillement jusqu'aux 22h. Mais comment, vous n'êtes pas toujours disponible les jeudis de 21h à 22h sur Radio Duo? Eh bien, par bonheur, la nuit des temps est ouverte 7 jours sur 7 et 24h sur 24 sur le site de Radio Duo pour les podcasts ou sur Instagram pour suivre la programmation à la nuit des temps 2. Il est mort le soleil, mais, il y a toujours quelques belles étoiles dans le ciel de Saint-Étienne. Et on embrasse Dan, qui ne pourra pas faire son émission ce soir avec toutes ses machines. On le retrouvera dans un mois, à 22h, promis. Pas de Dan ce soir, mais des étoiles. Les étoiles sur Saint-Étienne. Continuez à surfer sur les bonnes ondes de Radio Duo. Belle nuit. Salut. Ensuite, Gary's Gang pour nos trois titres bonus spécial de la nuit des temps. We'll be right back. creo que te vi ayer, no sé. Creo que escuché tu voz también. Ojalá me estoy volviendo loco. Por lo menos tengo con quien puedo hablar. Alucinaciones. Alucinaciones. Hace tres meses que no veo a nadie. Hace un año te vi bailar. Ecos en las paredes me acompañan. Lo juro que sentí tu voz acariciar. Oh, somebody gotta get me something.